بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ف comme d'habitude on va faire une série de questions-réponses pour réviser les cours précédents en particulier ces cours qui ont duré avec nous sur le sujet de l'obéissance aux autorités qui peut nous rappeler barakallahu fikoum en résumé, la croyance des gens de la Sunna concernant l'obéissance au gouverneur, l'obéissance aux autorités. De manière résumée, barakallahu fikoum. Aïe, Shabab. La croyance des gens de la Sunna concernant les gouverneurs. Normalement, tout le monde peut lever la main. Tous les frères sont sur la Sunna ici. Il n'y a pas de khawarij dans la salle. Walillah ilhamd. Normalement, chacun d'entre vous, il peut savoir dire ce qu'il a à dire sur la croyance des gens de la Sunna. Hakim, tfaddal. J'ai dit Shabab, mais Shuyur, c'est bon aussi. Tfaddal. Ahsant. Ahsant. On ne se révolte pas contre eux. Ahsant. Ahsant, barakallahu fik. Donc on leur doit obéissance tant qu'ils ne nous ordonnent pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous les écoutons, leur obéissons. Ceci même s'ils ont, ils sont injustes. Nous ne devons pas nous révolter contre eux. On a évoqué aussi d'autres sujets, comme ça rapidement. Karim, tfaddal. Il n'y a pas permis de se révolter contre eux. Ahsant. Il y a plusieurs formes de révolte comme les manifestations. Ahsant. On a dit que la révolte, elle peut se faire soit avec, par l'épée, c'est-à-dire par les armes, ou soit... Hein? Billisan, ahsantum, par la langue. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre aussi? Salih, tfaddal. Ahsant, un sujet qui est important, par lequel se démarquent les gens de la sunna, comme je l'expliquais la semaine passée, le fait que nous invoquons en leur faveur, et pas contre eux, en leur faveur. À l'inverse de ce que peuvent penser beaucoup de gens à notre époque lorsqu'ils voient l'imam, le khatib, Yom al-Jumu'ah qui fait des invocations pour le gouverneur, wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, qui fait des invocations en faveur du gouverneur, il dit cette personne-là, il travaille pour le gouverneur, il est à sa solde. Alors que ceci fait partie des signes des gens de la sunna. Quoi d'autre que nous avons évoqué? Tfaddal Karim. Le conseil doit leur être apporté au prévu. Ahsant, le conseil, c'est une autre question que... J'avais à vous poser, c'est bien que tu aies évoqué le sujet ici. Le conseil doit leur être apporté. De quelle manière? Comment fait-on le conseil au gouverneur? Tfaddal. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant, ça aussi c'est une question que je voulais vous poser. C'est bien que vous me précédiez dans sallallahu alayhi wa sallam, ça fait plaisir. Ici, on a une ambiguïté que j'ai évoquée à plusieurs reprises dans les cours. C'est une ambiguïté qui est largement utilisée par les gens de la masse et qui a été véhiculée par les gens de l'innovation parmi eux, les frères musulmans et autres, lorsqu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est un hadith authentique, le meilleur des combats est une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Inda sultanin ja'ir. Donc comme votre frère sallallahu khaira vient de répondre ici, comment on répond à cette ambiguïté? Ici, il a dit « Inda ». Ceci, avec d'autres hadiths que nous avons évoqués, nous montre la manière dont on a de faire le conseil au gouverneur, qui fait partie des signes des gens de la sunna. Donc ici, lorsque la personne monte sur le minbar, ou lors d'un dars, à des milliers de kilomètres du gouverneur de tel ou tel pays, et que cette personne prétend faire le conseil au gouverneur en disant « Ettaqillah, tu n'as pas le droit de faire ça, ça, ça, ça, ça. » Est-ce que cette personne-là aura réalisé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici dans ce hadith? Ou est-ce qu'il rentre dans la portée de ce hadith le meilleur des combats? Hein? Non, car il ne l'a pas fait « Inda » auprès de lui, mais plutôt il l'a fait à des milliers de kilomètres ou il l'a fait dans sa mosquée loin de lui, etc. Maintenant, si une personne fait ce conseil alors que le gouverneur est devant lui, mais au milieu d'une masse de gens, est-ce que ceci sera légiféré? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ahsantum, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment faire un nasiha, le conseil au gouverneur, il a dit, dans le sens, en le prenant par la main, ahsant Damien, en le prenant par la main et en se retrouvant seul avec lui, en le prenant en aparté. Donc même s'il est auprès de lui, il ne rentre pas non plus dans la portée de ce hadith, puisque il ne convient pas de prendre un hadith et de délaisser les autres hadiths qui sont rapportés dans le sujet. Nous devons prendre l'ensemble des hadiths pour connaître la voix des gens de la sunna. Donc auprès de lui, le fait de lui faire le conseil auprès de lui dire la vérité qui est à dire auprès de lui, mais de manière, c'est-à-dire en aparté et en lui prenant par la main, c'est-à-dire de manière douce et une manière qui sied à sa place de gouverneur. On a évoqué dans le cours précédent certaines particularités du gouverneur, c'est-à-dire certaines choses qui sont particulières au gouverneur, qui lui reviennent à lui de droit, certains de ses droits, certaines de ses particularités. Quelles sont ces particularités que l'imam Ahmed a évoquées ici dans le matin? Tfadal. Choisir son successeur. Choisir son successeur, ça c'est ce qu'on avait évoqué il y a quelques cours, Ahsant, ça fait partie des manières que l'on a de trouver un successeur au gouverneur. C'est ce qu'on avait évoqué précédemment, mais ce n'est pas ça que je voulais ici. Tfadal. On peut récupérer les immeubles. Ahsant. Parmi les particularités du gouverneur, ses droits, le fait qu'il se peut qu'il récupère les aumônes. C'est-à-dire que lorsque tu donnes l'aumône au gouverneur, l'aumône, quand on parle de l'aumône ici, ce sont les aumônes de manière générale, et en particulier ici, az-zaka, l'aumône légale, le pilier de l'islam qui est l'aumône az-zaka. Lorsque tu la donnes au gouverneur, eh bien, cette zaka sera acceptée. Et lui, il s'occupera de la redistribuer à ses ayants droit. Maintenant, si le gouverneur, lui, a des personnes qu'il délègue pour venir chercher az-zaka chez ses sujets, est-ce qu'il sera permis de lui donner? Hein? Il sera même obligatoire de lui donner, car à ce moment-là, il aura délégué des gens, il aura obligé les sujets de son royaume ou de son état à lui donner à lui az-zaka. Si maintenant, il délègue des gens pour la récupérer, mais qu'il laisse le libre choix, vous pouvez leur donner, comme vous pouvez la sortir par vous-même, il sera autorisé de la sortir par toi-même. Mais si lui, il délègue des gens qui viennent chercher les aumônes, il demande que az-zaka légiféré lui soit donné, il sera donc obligatoire de lui donner. Parmi ces particularités aussi que l'on a évoquées, que l'on va évoquer normalement aujourd'hui aussi, incha'Allah ta'ala, dans le cours d'aujourd'hui. Salih Tfaddal. Ahsant, ça c'est très important, ayyuhal ikhwa. C'est lui qui applique les peines légales. Les peines légales, les sentences. Ce n'est pas à tout à chacun. C'est-à-dire que tu es dans un pays, comme ici en France, qui n'est pas un pays musulman, eh bien il ne t'est pas autorisé d'appliquer une peine légale. De même, lorsque tu es dans un pays musulman, il ne t'est pas autorisé d'appliquer par toi-même une peine légale. Ceci revient aux autorités, au gouverneur et ce que le gouverneur a délégué pour appliquer ces peines légales. Sinon, il y aura un grand désordre sur la terre. Et nous voyons que ceci est une manière dont Al-Khawarij ont de pratiquer leur religion. Et ceci fait partie de leur signe distinctif, le fait que ce soit des Khawarij ou... C'est-à-dire que ce soit des khawarij qui rentrent dans cette catégorie, donc l'on appelle khawarij, que ces khawarij-là désignent le gouverneur comme étant un non-croyant, c'est-à-dire qu'ils rendent mécréant le gouverneur, ou alors que ces khawarij n'estiment pas la viabilité de ce gouvernorat, et ceci même s'ils ne le rendent pas mécréant, ou alors que ces derniers estiment que son gouvernorat est viable, qu'ils ne le jugent pas donc de mécréant, mais qu'ils voient l'autorité, l'autorisation de se révolter contre lui, tout cela rentre dans, comme on l'a dit précédemment, tout cela rentre sous la dénomination de Khawarij. Donc qu'il le rende mécréant ou non, qu'il juge que son gouvernorat est valide ou non, du moment qu'il se révolte contre lui, et ceci même s'il se révolte contre lui par la langue, on les appelle Khawarij. Ils rentrent dans cette dénomination. Et comme on l'a dit, les sortes de Khawarij sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses sortes de personnes que l'on appelle, que l'on dénomine Khawarij. Maintenant, ceci fait partie des signes distinctifs de ces personnes-là, c'est-à-dire même si une personne juge que le gouverneur de son pays, qui est un gouverneur musulman, il le juge musulman, et il juge que son gouvernorat est viable, mais il se permet, et il appelle à cela, il se permet d'appliquer lui-même les peines légales, cette personne-là est un khariji. Ceci fait partie des signes de l'khawarij. Et on va détailler un peu plus ce sujet aujourd'hui, inshallah ta'ala. On a dit que l'imam Muslim, rahimahullah, qui est mort en quelle année, l'imam Muslim, hafidhakumullah, Allahu akbar, Tariq, tfadal. Ahsant, 261. L'imam Muslim, Ibn al-Hajjaj, Abu Hussein, rahimahullah ta'ala, est mort en 261. Dans son livre, l'authentique, donc As-Sahih, il rapporta les hadiths qui traite de l'Khawarij dans quelle partie, dans quelle porte, dans quel livre? Hein? Az-Zaka, Ahsantum, Az-Zaka. Certains de nos savants, parmi eux, Sheikh Rabi ibn Hadi, Hafidhahullahu Azza wa Jal, disent que ceci, car Al-Khawarij sont des gens qui aiment l'argent, qui aiment cette vie d'ici-bas, Ad-Dunya, et ce, malgré que tu vois sur eux des signes de piété et de détachement et d'ascétisme, de détachement de cette vie d'ici-bas. Et nous le voyons dans cette première personne ou dans l'histoire qui est rapportée dans les deux recueils authentiques concernant cette première personne, la tête de l'Khawarij qui était hein, Dhul Khuwaisira At-Tamimi, qui s'appelait, on a évoqué son nom la semaine passée, Aya Shabab, Dhul Khuwaisira Hurqus, et parfois Hurqus Bissad Wassin Ibn Zuhayr As-Sa'di At-Tamimi, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle parole? Hein? Ahsant, sois juste, i'dil, sois juste car tu n'as pas été juste. Cette première personne qui a instauré Al-Khuruj, la révolte contre le gouverneur, il s'est révolté avec la langue ici. Et cette personne-là, on voit pourquoi est-ce qu'il a dit tu n'as pas été juste. Pour quelle raison? Tfaddal. Pour le partage du butin, Ahsant. Et ceci, comme on l'a évoqué aussi, comme l'a évoqué l'imam Ahmed, le partage du butin fait aussi partie, puisqu'on parle de cela, des droits et des particularités du gouverneur. Parce que selon lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été injuste dans le partage du butin. Nous voyons donc que Al-Khawarij, à leur tête, la tête de Al-Khawarij, Dhul Khuwaisira At-Tamimi, sont des gens qui aiment l'argent, qui aiment la dunya, qui suivent et qui courent après Ad-Dunya. Et c'est pour cela, comme le disent certains de nos savants, que l'imam Muslim a rapporté la plupart des hadiths, où il a rapporté les hadiths traitant de Al-Khawarij dans le livre de Az-Zaka. Pour terminer la révision d'aujourd'hui, j'avais rapporté certaines illustrations de l'obéissance de nos pieux prédécesseurs des gouverneurs, et ce même s'ils étaient injustes, ce même s'ils étaient pour certains d'entre eux pervers et autres. Par exemple, Fadal. À l'époque de Sahabi, des compagnons, il y avait un gouverneur qui retardait toutes les prières, et pourtant ils lui ont obéi, ils ne sont pas révoltés contre lui. Ahsant, nous voyons que parmi les plus grands de ses compagnons, qui sont connus pour cela, pour des paroles qui ont été rapportées d'eux, comme on va le voir aussi aujourd'hui, Abdallah ibn Omar, Anas ibn Malik et autres que radiallahu anhum. Nous voyons aussi quelle autre histoire que j'ai rapportée. Ah, Shabab. Al-Hajjaj qui a tué. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ahsant, qui a tué? Ibn Zubayr. Qui a tué Ibn Zubayr, ce compagnon, fils de compagnon. رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين qui a tué Abdallah ibn Zubayr. Et combien de musulmans, comme il a été rapporté par Hisham ibn Hassan رضي الله عنه, combien? Environ 120 000 Ahsant, comme le rapporte Hisham ibn Hassan. Nous avons compté ou estimé le nombre de personnes, dans le sens de ces paroles, le nombre de personnes qui ont été tuées par Al-Hajjaj sans raison, sabran, sans raison. Et le nombre a atteint le nombre de 120 000. Et malgré cela, les compagnons qui vécurent à son époque, de même que At-Tabi'in, obéissez à cette personne et priez derrière lui et ne recommencez pas la prière comme on l'a vu la semaine passée, qui fait partie des signes aussi de El Khawarij, le fait que certains d'entre eux recommencent la prière après avoir prié derrière eux et autre que cela. Quelle autre histoire on a évoquée ? Rapidement les frères. Ahsant, ça c'est très important. Ahsant, Damien, barakallahu fik. Lorsque Uthman ibn Affan, radiallahu an, lorsqu'il était gouverneur des musulmans, a prié à Mina 4 raka'at au lieu de prier 2 raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à Mina 2 raka'at. De même que Abu Bakr et Omar après lui. Et Uthman a prié à Mina lors des rites du pèlerinage 4 raka'at. Et Abdullah ibn Mas'ud a prié derrière lui alors qu'il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar 2 raka'at et qu'il voyait lui-même de son avis qu'il priait 2 raka'at à Mina. Il a prié derrière lui 4 raka'at. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il a répondu « El khilaf ou charb ». La divergence est un mal. Tu pries derrière le gouverneur et tu ne diverges pas avec lui. Une dernière histoire que j'avais rapportée aussi avec Abdallah ibn Mas'ud. Vous vous rappelez ? Un gouverneur qui priait et qui était connu pour le fait qu'il buvait de l'alcool. Comme d'autres parmi les gouverneurs aussi à son époque. Hein ? Quel était ce gouverneur ? Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'id, qui était un gouverneur qui avait été désigné par Uthman radiallahu anhu. Ce gouverneur qui priait et un jour qui buvait de l'alcool et un jour pria la prière de l'Fajr en étant ivre et a prié 4 raka'at au lieu de 2. Et derrière lui, Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui ne s'est pas révolté contre lui. Plutôt, lorsque cette personne, Al-Walid, s'est retournée vers Abdallah ibn Mas'ud et leur a demandé « Est-ce que je vous rajoute ?» Regardez jusqu'où est arrivé, à quel point est arrivé le désordre de cette personne, qui était le gouverneur des musulmans, qui était un gouverneur parmi les gouverneurs des musulmans désignés par le gouverneur à cette époque. Abdallah ibn Mas'ud de dire une parole dans le sens « Nous ne cessons d'être dans le rajout depuis ce jour-là avec toi. » C'est-à-dire qu'il ne s'est pas révolté contre lui en disant « Taqillah » et il a appelé les gens à recommencer la prière et à se révolter contre lui et à faire telle ou telle chose. Barakallahu fikoum.